Le vent peut souffler en toute puissance pour chasser le mal profond qui sévit. Le ciel peut pleurer de toutes ses pluies pour laver le monde de ses souffrances. La terre peut pousser violemment son cri pour ébranler tout ce qui est lié. L'univers peut annoncer la guerre pour venger tout ce que l'homme a détruit. Peuvent chanter ou pleurer en cœur, pour patiemment distraire l'existence. Mille fleurs peuvent s'exhiber en une danse, pour offrir une vie en couleur. La lumière peut étendre ses landes pour effacer les ténèbres en douceur. Et même que les anges au grand cœur peuvent d'un coup d'œil semer leur joie. Par regret, besoin ou désir, qui traduit ce que l'amour cherche à dire. Par se fondre dans le silence, l'abîme du néant, qu'on ne touche que quand l'autre est absent.